les yeux dans le vague, tu peins l'avenir, tes pensées divagues, quelqu'un va venir, l'horizon empoche un lever de soleil, plus l'instant approche, plus l'on s'émerveille. T'as le mal de mer dans ce drôle de bateau, très loin de la terre, d'où le monde est beau. Va venir cette certitude, je la vois grandir dans tes attitudes. Tu bois du sirop chaud de préférence, tu t'endors très tôt. Je te vois qui danse sur le pont du navire, cherchant l'équilibre. Quelqu'un va venir pour y vivre libre. L'horizon empoche un lever de soleil. Les instants rêvés commencent par un cri, instants chavirés qui changent nos vies. J'écoute la terre tourner dans ton ventre, petit bout de mystère qui devient le centre. Tu comptes les tours qui lui restent à faire, capitaine au long cours, 9 mois sur la mer. L'horizon empoche un lever de soleil. Quarantième tapante, mélange de nos sens sur la mer en pente. On tire les fusées d'amour, de tendresse, toi et moi serrés. Adieu ma paresse, bienvenue à bord, petite louve de mer.